se mettre à dépérir, on se bat fouiller pour que les savants pas laisser son frère. Qu'est-ce qu'il adore ? Parce qu'il dénonce en règle, micro à une agence de réponse. Ce désert, c'est la solide, c'est dégueulasse. C'est le dernier domicile connu par un grand chien. Don't. le temps de faire l'amour. T'as plus soif. Tu peux allumer un joint. Vous voulez un whisky? Juste un doigt. Vous voulez pas un whisky d'abord? Pas eu le temps de faire l'amour jusqu'à plus soir. Tu allumes un joint. Thank you. vagin. Vous ne vous intéressez pas au sexe ? Un homme qui tue un homme au combat est un héros de guerre. Mais s'il agit sous l'emprise de la passion, c'est un criminel. Mais oh! Varna, Yamaha, pur sang, Maiko, Kawasaki, Maiko, pur sang, Swedish Fireballs. Il y avait même des triomphes dans le coin, une CZ, tout ça, très... Kawasaki, Kawasaki, Kawasaki. Thank you. quoi ça? S'il te plaît. Oh, que bon l'oiseau. Je vais le mettre à sécher, il est encore tout humide. Pierre, c'est très gênant. Comment pouvez-vous regarder une chose pareille? Le lapin nous a bien regardé. Du cœur et du cul. mort, l'amour le mou, l'amour sa mort, l'amour se mou, l'amour sa meurt, voyez-vous, sans mots, sans remords, on est... Aspire bien, salope. Aspire bien, salope. Hurle marre, l'amour le mou, l'amour sa meurt, l'amour se mou, l'amour sa meurt, à la vie ou sans mots, sans remords. Ce sont deux cuisses de chevreuil fermes et délicatement écartées. Fourré de crème épaisse, mouillé de vin blanc chaud qui ruisselle sur les parties de la bête. Et son personnage piloté sur un lit de croissant. De comment un croissant? Il est en bas, les corps. Gorillas à la fois. Mange pas ça, tu vas chier pour toi. Il est ligoté du côté de passage. Il est à ma botte. Le gros son. Oh. Right there. so far as this war, taken as many German prisoners as they have taken the British. But these German prisoners will no doubt come in droves at the end. Just as they did last time. You should fight in bronze. I have never fought in ocean. We shall fight with growing confidence and growing strength in the air. Now we shall defend our island. We have a new whatever the cost may be. We have big features. We shall fight on the landing ground. A remarkable fight in the field and definite victory. A bright gleam has caught the helmets of our soldiers and warmed and cheered all our hearts. The late Monsieur Venizelos observed that in all our wars, England, he ought to have said Britain, of course, England always wins one battle, the last. We seem to have begun rather earlier this time. General Alexander. With his brilliant comrade and lieutenant, General Montgomery. Je vous demande de vous arrêter.